Le peuple se réfère au repère que les boss balisent. Je veux refaire le monde, mais je n'ai pas d'assez grosses valises. J'apprends à vivre depuis qu'un tas de choses atroces arrivent. Ma famille est en guerre, elle s'éparpille comme la Yougoslavie. Tout gosse la vie, paraît facile et te fascine. Et puis j'ai constaté que la plupart partent sans faire un signe. Ouais, c'est la terre et toutes ces faces ici. Et moi j'ai appris qu'il faut s'y faire car tout se passe ainsi. Pour ma part, simplicité, précision s'allie. Je rêve d'égalité, mais je n'ai pas la même vision que Staline. Oslo m'a dit que l'honnêteté est ralentie. Et je reflète la franchise que l'homme avait avant de mentir. J'en ai pas l'air, mais je ne me laisse pas aller. Combien parle de l'exhaleur, mais ne connaissent pas Alex. Combien moi je recherche la sagesse comme un philosophe. Je veux me voir comme un homme bien. La vie n'a pas de prix, non. La vie n'a pas de prix, la vie n'a pas de prix. J'ai acquis, je sais à qui je le dois. La vie n'a pas de prix, mes amis je les compte sur quelques doigts. La vie n'a pas de prix, j'ai appris à diriger mes choix. La vie n'a pas de prix, il n'y a plus que des profits à vendre. Je bâtis mon avenir grâce aux erreurs que j'ai commis avant. Ouais, mon image n'a rien du type de gars polymarrant. Mais ma richesse sera la polyvalence, c'est les promis mamans. Mes phobies chantent, la folie danse, elles sont de connivence. Assis dans mon divan, je me demande qui me connaît vraiment. À part ma mère, j'ai peu d'amis, un peu comme Mohamed. J'ai ma fierté, les mots qui vont avec et plus grand chose à perdre. Donc, je ne pense pas à tourner la page, mal à corriger ou mon histoire a trouvé son impasse. Le temps passe et mon chemin se trace. J'avance certes, sans être sûr de quoi demain se fera. C'est dur d'aimer, de s'entraider avec autrui. C'est vrai que c'est plus facile de s'entraîner à se détruire. Après tout ce temps, j'aurais gardé la même optique. Si un jour je deviens grand, ce sera pour tendre la main optique. La vie n'a pas de prix, non. La vie n'a pas de prix, la vie n'a pas de prix. J'ai acquis, je sais à qui je le dois. La vie n'a pas de prix, ouais, mes amis, je les compte sur quelques doigts. La vie n'a pas de prix, j'ai appris à diriger mes choix. La vie n'a pas de prix, non. La vie n'a pas de prix, la vie n'a pas de prix. J'ai acquis, je sais à qui je le dois. La vie n'a pas de prix, ouais, mes amis, je les compte sur quelques doigts. La vie n'a pas de prix, j'ai appris à diriger mes choix.